Ça vous fait rire? Vous n'avez pas honte? Bonjour et bienvenue dans « Et vous trouvez ça drôle vraiment ?» Le podcast qui, chaque mois, revient sur un film, une comédie française, et qui essaie de répondre à cette grande question qui nous anime tous. Et est-ce que vous trouvez ça drôle vraiment? Je suis Florent et je suis accompagné, comme d'habitude, de mon cher compère Thomas. Salut Thomas, comment ça va? Salut Flo, ça va bien et toi? Oh ça va, oh, c'est vraiment sérieux, c'est précis. Oui. Attends, réalisateur sérieux, film sérieux Voilà, là et est-ce qu'on serait pas en train de monter petit à petit les marches ouais. Comme si on faisait un peu... Du palais des festivals. Voilà, voilà justement un petit comparatif. Ouais. Est-ce que ce film... sera dans notre festival, on verra ça à la fin. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, mon cher Thomas, on s'est dit, puisque depuis le début de cette aventure, on a eu que des films pas ouf, et on s'est dit, sur le dernier, on se fait un petit truc bien sympa qu'on connaît plus ou moins tous les deux, et on sait qu'on va rire et que ça va être bon. On n'est toujours pas tombé sur le film où la balance va pencher des deux côtés. Un aimera et l'autre n'aimera pas. Est-ce que ça va être le cas aujourd'hui? Eh bien, réponse dans quelques minutes. Nous le saurons à la fin de cet épisode. Puisque nous allons parler de quel film aujourd'hui, Thomas? Eh bien, nous allons parler de Au Poste, film de Quentin Dupieux, sorti en 2018. Voilà, un film avec Benoît Poulvorde, Grégoire Ludig et Monsieur Fraise, Marc Fraise. Oui. Et puis après, dans des rôles un peu plus secondaires, Anaïs de Moustier, Aurel San, Philippe Duquesne. Il manque juste Lionel Astier, en fait, pour qu'on soit des compléteurs. Ça, et puis c'est bon, on a le bingo clairement qui est rempli. Ouais. Mais c'est vrai que tu parlais de Monsieur Fraise. Très très bon humoriste. Ben moi je l'avais découvert ouais sur le comment l'émission de Ruquier ouais, là à la Téloche ouais. sur des sketchs complètement aussi. Improbables où il parle pas en début de semaine il parlait pas. Son premier sketch était il dit je crois trois phrases. Ouais. Je crois que c'est sur le mariage de Kate et William, il dit 1700 personnes au mariage de Kate et William. Ça fait du monde hein. Mm. Et juste cette phrase-là avait fait mourir de rire tout le monde, même moi. Donc, voilà, on a, enfin, j'ai l'impression de bons acteurs. On a quand même Poulvorde, on a Ludig qui est le meilleur des deux du Palmachot oui. Quand même. Hein. Oui, bah bien sûr. On a Philippe Duquesne qui est bon aussi. Normalement, on a tout ce qu'il faut potentiellement pour avoir entre guillemets un bon film. Après, on va pas se mentir, Quentin Dupieux, quand même assez inclassable ces films. Hein. Des ovnis cinématographiques. Mm. Alors moi, c'est mon deuxième seulement. Je n'ai ah vu ouais. que. Et ça y est, je me souviens déjà plus du titre. Dis un truc au hasard. Non, ouais. Mandibule. Ah oui. Tu sais avec la mouche géante là. Oui. Ok. Voilà. Il m'a fait rire à certains moments. Oh, c'était dur. Ouais. Mais je n'ai pas trouvé ça foufou, quoi. C'est Adèle Exarchopoulos m'a fait rire dans le film parce qu'elle a une voix qui est juste de taré psycho, quoi. Et qui c'est qui veut des paupiettes? Mais bon, voilà. Et ça, ça fait rire. Et ça fait rire, putain. Ah, bah voilà. Ouais. Bah, vous voyez le niveau, mesdames et messieurs. Il en faut peu, quand même. Et tu vois l'univers de Dupieux, enfin bah, quand on regarde sa filmo, voilà il a commencé les longs métrages avec Steak, Rubber, c'est l'histoire d'un pneu qui est tueur, je crois. Oui c'est ça, c'est un pneu voilà. Serial killer. Mais ouais, Steak ouais. Je l'avais vu au cinéma pour la fête du cinéma. Ouais. Et en fait et c'est là je pense où ben moi je l'avais pas du tout aimé au début. Parce que c'était Éric et Ramzy, c'était présenté comme la nouvelle comédie d'Éric et Ramzy, qui sortait de la tour Montparnasse Infernale, de Double Zéro. On a peut-être plus parlé de eux que du réal, en fait, bien sûr, sur ce film-là. Ouais. Et du coup, Steak, tu vois le truc dans un univers barré, et tu fais « Waouh, d'accord ». Et tu te dis « Mais j'arrive pas à comprendre, parce que Non, j'y arrive pas. Mais pourtant, il y a une réplique qui me reste en tête. Alors peut-être que je l'ai totalement inventée et que c'est gardé en souvenir. Et c'est un souvenir totalement inventé. Mais genre, un truc de blague. Et c'est. Hey, t'as vu là les nuages? On dirait du coton un peu ou pas? D'accord, c'est ça le niveau des blagues. Et le seul truc qui m'avait fait vraiment rire, c'est. Allez, le dernier qui arrive, il est fan de Phil Collins. Parce que c'est Voilà. totalement incongru, c'est totalement absurde. Et tu fais. Hein? Et j'ai l'impression que plus les années passent, plus Quentin Dupieux s'en bat les couilles et fait un Alors, truc, il dit, bon vas-y, là ça, le décor, il tire au dé, il fait décor, commissariat. Les personnages, ok, donc un flic, jusque-là ça va, et en fait c'est totalement absurde. non, mais le daim, c'est l'histoire de Jean Dujardin qui est amoureux de son blouson, je crois. Enfin voilà, Mandibule, les mecs qui capturent une mouche géante. Enfin bref, et puis les derniers. Et puis alors, il est d'une productivité incroyable. Je pense que si les mecs le freinaient pas un peu, il ferait 3 ou 4 films par an. Mais il en fait, je pense déjà quasiment 3 ou 4. Ces dernières années, il en est à 2 par an quand même, hein. Mais après, il en est à 2 par an. Mais là, comme on a vu le film, au poste, mine de rien, générique inclus, donc on a un générique de 6-7 minutes, on est seulement sur 1h10, 1h15 de film avec le générique. On est à la limite du long métrage, Du, effectivement. ouais, on est à la limite on est entre le moyen et le long, en fait. Et comment Mandibule n'était pas beaucoup plus long, hein. Mais c'est en fait c'est tous les films De de Dupieux sont dans Dupieux. cette durée-là, à peu Tu près. vois, même Yannick était comme ça. Je crois que un de ses plus longs, ça doit être Steck qui doit être sur l'heure et demie, en fait. Quelque chose comme ça. Et en plus, ce qui est incroyable dans une durée relativement courte comme ça, c'est que tu sens en plus que quand tu arrives vers le dernier quart du film, eh ben il est temps d'y arriver parce que l'intrigue s'essouffle complètement. Ah Tu oui. as complètement fait le tour de la question, des personnages, des gags plus ou moins récurrents, en fait. Bien C'est sûr, mais incroyable, hein. mine de rien, c'est pas plus mal parce que là où on est Ah habitué à des ben. films de 2 heures où, Ouais. ben même quand tu vois que tu arrives à la fin, ça traîne en longueur, ça traîne en longueur, ça parle, ça se regarde le nombril, ben là tu te dis non, non, non, viens, on y arrive tranquillement, je t'accompagne, viens, on y va, et puis ben, ça se termine, et puis ben, ouais, non, le film est terminé, c'est bon, hein, plus besoin de rajouter quelque chose. Et c'est marrant parce que la critique, comment on va dire, amateur, celle de tous nos confrères podcasteurs amateurs et tout, est Alors que nous, on est plutôt. professionnels, Alors que nous, on est quand c'est même bien des connu, bah, professionnels, bien sûr. et on rappelle que ce que l'on fait aujourd'hui n'est pas à reproduire chez vous, hein, c'est Non. l'œuvre de professionnels. Ah, bien sûr. La critique amateur, elle est assez fan de Dupieux, assez bienveillante. La critique professionnelle, je mets ça entre guillemets, l'est beaucoup moins à la dent dure. Et pourtant, Dupieux, il arrive à financer. Alors, faut voir les films, effectivement, dans des décors assez minimalistes. Je pense que les budgets sont pas hyper hyper importants. Et pourtant, il arrive à caster des gens. Mais à chaque fois, ces Je pense castings que sont c'est ouf, quoi. le goût de l'absurde, parce que quand tu regardes, il fait. Bon, maintenant, sa muse, c'est Raphaël Quenard. Voilà. Il fait 8 films avec Raphaël Quenard, il le Depuis deux trois séquestre, je films. pense. Mais Où il a des sinon, dossiers. bah, c'est ça. Sinon, t'as Monsieur Fraisse qui revient quand même, j'ai l'impression. T'as Grégoire Ludig qui revient aussi. T'as Alain Chabat aussi, qui pendant un moment, parce que je l'ai même vu là dans le générique de fin, crédité. À un moment donné, il y a des cris dans le fond, bah, c'est lui qui les fait. Tu fais bon, bah, ok. Il est passé un jour sur le tournage et a dit, Ouais, attends, je vais gueuler, mais moi. où est-ce que ce serait pas en lien avec le film qu'il avait fait où justement Chabat jouait un réalisateur qui cherchait le cri parfait pour son film d'horreur et toute l'intrigue tourne autour de ça. Peut-être que c'est lié, après, je sais pas, je suis pas. Il y a peut-être un Dupieux Cinematic Universe, oui, qui nous échappe peut-être encore, et Ouais, effectivement. il va m'échapper encore longtemps. Moi aussi je pense, parce que je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Moi, je suis pas. Enfin, ce deuxième film que j'ai vu de Dupieux, tu Ouais. vois, ne m'a pas plus rendu fan. Voilà, suite au visionnage que j'avais fait de Mandibule. Donc, je suis pas que je suis hermétique, j'ai essayé de bien sûr d'accueillir le film, tu vois, comme il était, mais je dis et en plus, ben, si on rentre un peu dans le vif du sujet de d'Opost, le démarrage, enfin la première moitié, les deux premiers tiers du film sont vraiment pas mal. Mmh. C'est assez intéressant quand même, oui. Même si oui, il y a des trucs qui se passent, ouais. Ouais, alors t'as des trucs complètement absurdes comme Monsieur Fraise qui est né sans œil. pourquoi oui. faire ça? Mais bon, voilà. Allez. Après tout, non, pourquoi pas la proposition. Oui, il voilà. y a bien un mec qui est amoureux de son blouson andin et un pneu voilà. tueur. Alors pourquoi pas quelqu'un qui est né comme ça. Après tout, why not? Et puis ce, alors on va spoiler hein, cette petite brioche Twist à un moment où Marc Fraise meurt. Wow, le gars est fou. Spoil. Bah ouais, je l'ai dit. Ouais. Attends. Ah non, si, de toute façon, si on n'en parle pas, on ne peut plus parler du film, je pense, quasiment. Ah ben, c'est-à-dire c'est, que c'est l'intrigue ballon. Repose aussi en partie là-dessus. Ouais, en grande partie moment, là-dessus. Voilà. Et le mec switch complètement en essayant de masquer le truc alors que... au lieu d'appeler à l'aide, quoi. Et c'est un parti pris que j'ai trouvé intéressant. Ce flic qui a plein d'emmerdes et qui a sa vie perso qui part un peu en couille et qui essaye de la régler pendant qu'il reçoit un suspect qui lui ne rêve que de rentrer chez lui parce qu'il doit être juste pas d'heure et voilà quoi. Donc j'ai trouvé ça intéressant le démarrage. Et puis il y a tout ce dernier tiers là, enfin la dernière partie qui est tellement what the fuck. Mmh. Oui, c'est vrai que quand les murs bougent et que tu t'aperçois en fait que c'est une pièce de théâtre, tu fais mmh. hein. Donc ça c'est mais enfin M Night Shyamalan bébé Kadom à côté, que tu t'aperçois qu'en fait le gars est dans une pièce de théâtre, même lui il savait pas. Mais à la fin, il va quand même faire la bouffe avec la troupe. Ouais. Tu fais comme ça. Ok. Pour refinir embarqué pour aller au commissariat quand même. Ça se termine. Il dit au revoir avec Poulvord. C'est limite, ouais, on a un peu fait connaissance, machin. Et il dit, bah, ah bon, vous croyez? Au revoir? Ah bah non. À demain. Quoi? Attends, quoi? Ouais. Et il s'en va. C'est tellement méta comme truc. C'est... Ouais, c'est pas que ça m'a fait sortir du film, mais j'ai trouvé ça tellement what the fuck que je me suis dit, qu'est-ce que je viens de regarder? Mais c'est ça, j'ai trouvé ça, alors autant le truc du il est au théâtre, machin, ok, pourquoi pas, mais le fait de se dire, on va quand même faire une scène de 5 minutes où bah, ils sont en train de se faire une bouffe. Ils expliquent comment ils font pour faire semblant de bouffer au resto. Déjà, ce concept-là est fou. Et je fais, ah, mais attends, ça, c'est vraiment... Ça se termine comme ça, où tu sais pas vraiment le pourquoi du comment. T'as aussi des questions laissées en suspens, mais... Ah bah, complètement. C'est pas si dérangeant que ça, tu vois. Même si tu te poses la question, enfin... C'est précisé où c'est ben t'as Benoît Poulvord qui fume et il y a de la fumée qui sort d'un trou qui est fait au niveau de son corps. Tu fais mais pourquoi, enfin c'est le truc qui est jamais montré, il est juste suggéré. Ouais. D'accord, en fait il a une machine à fumer, il s'est dit je vais m'amuser avec. Ouais, enfin, non mais ça le fait qu'effectivement bon attendez, j'ai quelque chose à faire, et en fait il va juste voir son fils. L'échange dure mais 1 minute 30 à peu près. 1 minute 30, dont 45 secondes de juste je bouffe un hot dog. Ouais. Et les chances, c'est juste ça va. Ouais, ça va, j'ai essayé de me suicider. D'accord. Mmh. Mmh. Mais j'ai regardé la télé, ça va mieux. Ah bah on est rassuré. Oui. Mmh. Et en fait, moi c'est ça qui... Effectivement, hein, je savais qu'on rentrait dans un univers, et en fait je voulais un film d'un univers... d'un cinéaste qu'on ne maîtrisait pas et qu'on ne connaissait pas forcément tous les deux, donc ce qui a été le cas. Et là, je me suis dit, mais où est-ce que tu m'emmènes? Dès les premiers trucs, enfin dès le début, dès les premières images, je me suis dit, mais où est-ce que tu m'emmènes? Est-ce que ça a quelque chose à voir, le fait qu'il y a un mec en slip qui arrive, et qui fasse la musique. Le démarrage. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et au final, tu vois les flics qui arrivent et tu fais, attends, j'ai rien compris. Qu'est-ce que... Ouais. Et ça s'arrête là. Oui, ça s'arrête là. Tu le vois juste ensuite qui est amené au poste, en slip toujours. Oui. Et c'est tout. Quel est l'intérêt de cette scène d'ouverture? J'ai toujours pas compris le. J'ai toujours pas compris le truc. Et c'est plein de trucs absurdes, ouais, comme ça où t'as la secrétaire qui veut lui montrer absolument un dossier et lui il dit bah, hey, mais c'est un mur, c'est un très beau mur, oui, mais alors mais non, mais ça c'est quoi? Et tu te rends compte qu'il y a un doigt, mec, il y a un putain de doigt. T'es flic, t'es censé le voir. Et tu commences à m'emmerder, toi. C'est... Enfin, et je sais pas, parce que j'ai choisi, c'est moi qui l'ai choisi ce film, j'ai choisi Au Poste, parce que ce film était considéré comme un des meilleurs de Dupieux. Ouais, c'est ce que j'avais entendu aussi à l'époque. Peut-être ouais. le moins Dupieux, le moins Zarb, le moins Dupieux Zarb de son univers. Alors, pas tellement, parce que encore moins Zarb que moi j'avais vu, il y a Yannick. Hein. Yannick, c'est vraiment le gars est dans dans la salle de théâtre et c'est tout. C'est... Ouais, mais je parle de 2018 à l'époque où il est sorti, oui, quand les gens en parlaient et où il disait, ouais, le dernier Dupieux là au poste, c'est peut-être le moins Zarb de sa filmo. Et pourtant, ça se place là. Hein. Ouais. Le truc de l'huître, enfin, j'ai l'impression que tout tourne autour de la bouffe aussi. C'est... Tiens, l'autre, il faut mange pas... l'huître. Faut pas. Ouais, non, mais... Faut pas regarder ça en mangeant, parce que tu te dis, mais attends, l'autre il mange un hot dog, l'autre il bouffe une huître, ça mange des bretzels, machin. Et puis je suis sorti et je me suis acheté des chips parce que j'avais faim. Oh, ça mange un Snickers. Tu fais, non, mais attends, est-ce que tu veux faire un film sur la bouffe? Dis-le tout de suite, comme ça on le fait et puis on en parle vraiment plus. Il n'y a pas besoin de caler des refs à la bouffe toutes les 5 minutes, enfin à la malbouffe surtout. Qu'il y a une huître, mais sinon le reste. Ouais. Et puis des fois, enfin, cette insistance aussi sur. Alors, je sais même pas si on peut parler de ressort comique, tu vois, où il dit, ouais, il y a votre voisine, elle vous a vu passer 7 fois dans la soirée, et l'autre, il est obligé de raconter les 7 fois, en fait, où la voisine l'a vu sortir, et où Poulevard dit, ah ouais, d'accord, donc là, on en est à la 3e. Ah ben non là, c'est déjà la 4e. Oui. J'étais là, oh, ça, putain, pour arriver jusqu'à 7, waouh, ça va être long quand même. Hein, ouais, parce que t'arrives à 4 et tu te dis, ah d'accord, il reste 25 minutes de film. Ouais. Ah, d'accord. Parce que bah, c'est ça, en plein milieu, en fait, ça s'arrête parce que bah, déjà, quand il s'en va voir son fils, il y a toute cette discussion avec Monsieur Fraise où Monsieur Fraise est un taré psychopathe, en fait, au final. Oui, clairement. Un taré psychopathe qui est tout sur la sécurité. Qui voit dans une équerre une arme de mort. Oui, bon, au final, ça lui aura donné raison. Au final, se tuer avec. Bon, voilà. Mais c'est pareil, j'ai l'impression qu'on est sur un personnage vraiment hyper enfantin, parce qu'il dit, ah ouais, et ça, vous l'avez vu? Hein, c'est pour me tuer, peut-être? Et en fait, il switch quasiment directement de ah ouais, tu voulais me tuer, parce que moi, je vois ça, café bouillant, machin. Oh, vous voulez voir ma carte de police? Oh là, pourquoi? Doucement, pourquoi? Du calme. Vraiment, il y a peut-être un processus pour passer de t'essayes de me buter à viens, on est copains, et je te montre ma carte de police parce que j'en suis très fier, et puis on est des copains maintenant. Donc, et est-ce que l'intrigue avec. Enfin, c'est plein d'intrigues aussi que je trouve, moi personnellement, pas utile. L'intrigue avec Anaïs de Moustier. Je vois pas ce qu'elle l'amène, en fait. Non, d'autant plus que lui, il la revoit dans son flashback, alors qu'il ne l'a jamais rencontrée et tout. Enfin, c'est... Ça aussi, j'allais y arriver. C'est la perception des souvenirs et les flashbacks. Ouais. Où lui arrive à voir Benoît Poulvord dans son souvenir. Il rencontre Anaïs de Moustier dans son souvenir. Il rencontre Marc Fraise aussi dans son souvenir. Mais quand il raconte son souvenir, il n'y a personne d'autre que lui qui voit ce souvenir-là. Ouais. Sauf à un moment, donc au moment du dernier aller-retour, où il y a Benoît Poulvord qui est avec lui dans la pièce, et ça ne t'est pas expliqué, et au final, on s'en fout. Ouais, non, il y a des des raccourcis scénaristiques, stylistiques, ouais, qui sont très bizarres, quoi, en fait. Et je pense que ceux qui sont fans de Dupieux passent le truc en disant peut-être c'est ça, c'est du génie. Ah, vraiment. moi je suis pas j'ai beau essayer, je suis pas client du truc. Hein. Tu vois, je pensais que effectivement, tu m'avais dit que t'étais pas forcément client, donc je pensais que t'allais peut-être être du côté ouais, j'aime pas trop, et moi être ouais, si, ça va, c'est assez marrant. Et j'ai pas tant ri, mais bon, attendre un petit peu, hein, parce que sinon, on va faire comme un film de Dupuis, on va faire un épisode de 10 minutes, et puis voilà. Remarque, ce serait un bel hommage de notre part. Eh ben, allez, est-ce que t'as trouvé ça drôle? Drôle. Est-ce que t'as trouvé ça drôle, vraiment? Ouais, après, mis à part ça, comme je disais, belle brochette de personnages et d'acteurs. Et ça joue bien. Oui. Ça joue vraiment Ouais. bien, en fait. Ça joue vraiment bien. Et après, je crois que j'ai vu plein de. Enfin, il y a des théories aussi qui se sont. Qui ont émergé sur Internet. Où par exemple, il y a des personnes qui disaient que, en fait, non, tous les mecs sont morts. Tous les mecs sont vraiment morts et ça se passe au purgatoire. Et en fait, tous les mecs sont morts à des époques différentes. Par exemple, ça doit être Benoît Poulvorde s'est fait trouer par une balle. L'autre, c'est vraiment l'équerre parce que tu vois qu'il s'est buté avec une équerre. Donc ça, et moi je me suis dit, non, en fait, c'est peut-être un souvenir raconté d'un enfant, en fait. Parce que tu vois le personnage de Grégoire Ludic qui dit je suis redescendu, puis comme il faisait un petit peu froid, j'ai essayé de fumer comme ça avec la buée. Ah oui. Et l'autre il dit mais vous faites ça souvent parce que enfin, on a plus de 2 ans et demi. Oui, non, je fais ça assez souvent, machin. D'accord. Ouais. C'est bon, ouais, je vois qu'il y en a qui travaillent des théories, ouais, effectivement, mais c'est. Ouais, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. En tout cas, c'en est une acceptable, hein, comme une autre. Mais Mais je oui, pense on que peut. c'est des films à théorie un peu aussi. Ouais, on peut, en tout cas, oui, effectivement, sur la direction, sur la réal, on peut pas lui reprocher ça. C'est bien réalisé, Ah oui. c'est bien dirigé, c'est bien tourné. Voilà, sur le scénario, forcément, moi, je trouve ça beaucoup plus arbre, beaucoup plus léger. Faudrait voir peut-être qu'un jour, il faudrait peut-être qu'il essaye de réaliser un scénario qu'il n'a pas écrit, tu vois, Mais pour. au final, quand tu regardes, c'est juste une histoire banale d'interrogatoire dans un commissariat. C'est juste les à côté qui rendent la chose bizarre et le final qui rend la chose bizarre. Mais au final, c'est une histoire comme tu pourrais en raconter partout au final. Oui, Truc du genre, clairement. oui, j'ai été chopé par Hadopi, du coup je suis allé au commissariat, il a fallu que je raconte pourquoi j'avais téléchargé, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, et puis voilà. Hein. Ah, s'il vous plaît, le prochain film, c'est pas ça. Ah non. Ce n'est pas qu'est-ce Ah qu'on oui. a fait au bon Ok, c'est le 2. Dieu. Alors, ce n'est pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu parce que je n'ai pas envie de le re-regarder, mais Ah. ce n'est pas les suites non plus parce que je n'ai aucune envie de les regarder. Très bien, ça me rassure. Tu vois, t'es bien. Ouais, voilà, moi je reste un petit peu sur ma faim. Je trouvais ça plus intéressant que Mandibule. Ça, y a Ok. plus de choses à raconter, plus de choses sympas. Mais effectivement, voilà, ça reste cet univers Dupieux là qui est très curieux, qui à un moment ou à un autre va complètement switcher pour partir en couille, quoi. C'est ça le souci entre guillemets avec Dupieux, c'est que au début, effectivement, ça peut être what the fuck, mais il peut y avoir un début où vraiment il te prend par la main, il te dit viens, viens, j'essaye de t'emmener dans mon univers. Et en fait, moi je le vois comme ça, c'est comme si il te tenait la main dans la piscine ou ta pied, et que d'un coup il te disait allez, tu remontes sur le bord, et il te dit maintenant on va aller là. Et au arrivé au milieu du film, il te dit maintenant que tu as vu un peu ce que c'était, il te pousse. Il te pousse et t'es dans le grand bain, mais t'as ni ceinture, ni brassard, t'as rien du tout, et tu Et dois tu te te démerdes. démerder. Et c'est vas-y, essaye de comprendre. Comprends mon univers. J'en ai rien à foutre. Je ne t'expliquerai pas. Je ne te donnerai aucune clé de compréhension. Et vraiment, c'est un truc où Il va falloir que tu te fasses ta propre opinion toi-même. Alors, c'est pas plus mal hein, que tu te fasses ta propre opinion toi-même, mais au final, bah, c'est hyper clivant. C'est en fait, Dupieux, je pense que c'est soit tu adhères, soit tu adhères pas. Clairement. Ouais, je pense Et que... après, peut-être que c'est pas sur toute la filmographie, parce que comme je te dis, moi j'ai regardé Yannick, vraiment là pour le coup, on est sur le film vraiment le moins what the fuck de ce qu'il a pu faire. On est vraiment pièce de théâtre, ça part en couille, l'autre il a un pistolet, machin, il discute avec tout le monde, et c'est tout. Enfin, ça va pas plus loin que ça au final. Donc, là, j'avoue que Yannick, j'ai fait ouais, ok, pourquoi pas. Parce que, bah, après, encore une fois, hein, les acteurs, on sent que Dupieux, il fait appel aux acteurs, et les acteurs entre eux doivent se dire. Franchement, si tu as l'occasion de tourner avec Dupieux, fais-le parce que ça a l'air d'être un bon directeur d'acteur, j'ai l'impression. Pourtant, les échos que j'en ai eus, alors pas sur la direction, mais sur le personnage en lui-même, tu vois, sont un peu plus mitigés. C'est un euphémisme. J'étais à une séance dans un cinéma d'art et d'essai à Nantes, et voilà, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle l'Absurde Séance, qui est toutes les 2 semaines, voilà, dans un cinéma d'art et d'essai. Et donc, en début de, juste en, avant que le film commence, en fait, il pitch un petit peu le programme des semaines ou des mois à venir. Et donc, il disait, ah bah ouais, prochaine Absurde Séance, là, dans 15 jours, ce sera le film de Quentin Dupieux. Donc, je sais plus lequel c'était, qui était. Et il dit, on devait avoir Quentin Dupieux pour la séance, et puis finalement il viendra pas, et c'est pas plus mal parce que Ah c'est ouais? quand même un bon gros connard. Oh. Mais après, peut-être qu'ils étaient sous le coup de bon, il a dit qu'il venait, mais en fait, il vient pas, il nous a pas fourni d'explication. Alors non, je pense que c'était quand même aller un peu plus loin parce qu'a priori ils avaient eu des échos de la profession critique cinéma machin et tout où a priori voilà il était quand il venait faire des avant-premières ou des masterclass ou autres il était a priori assez détestable avec ses intervenants et avec le public donc tu vois c'est Je peux pas forcément te donner tort là-dessus, hein, parce que quand tu le vois sur les alors réseaux moi sociaux, notamment sur Twitter, quand tu parles un peu mal d'un de ses films, il a Il paraît, tendance à ouais. être assez véhément. Oui, vindicatif. Ah ouais, même. Ah oui, non, c'est. Oh. C'est fou, ça, quand même. Donc voilà. Ensuite, voilà, ce ne sont que des choses qui ont été rapportées. Je l'ai jamais vu Quentin Dupieux directement, tu vois, Oui. prendre quelqu'un à partie en live là dans une avant-première ou une masterclass, tu vois. Si j'y assistais, puis que je lui disais, alors votre film, il est sympa, mais excusez-moi, le dernier tiers, c'est what the fuck, j'ai rien compris. T'imagines le mec en T'es face qui fou. réagit, mais t'as rien compris parce que t'es con. Oui, non, mais je pense qu'il se considère comme un érudit, comme Ouais. un gars qui. Non, moi je comprends ce que je fais, vous si vous ne comprenez pas, tant pis. Donc, je sais pas, après c'est peut-être pour ça que c'est compliqué de rentrer dans l'univers de Dupieux. Ouais. Ouais, non, Dupieux, j'avoue que. Ouais, comme je t'ai dit, j'ai découvert avec Steak, et après j'ai vu Yannick, et là c'était le troisième, moi. C'était le deuxième, donc on n'est pas vraiment, on est vraiment des novices là-dedans. Voilà. Hein. Moi, très franchement, et c'est pareil, hein, tu vois, le film dure 1 heure, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur ce film. Hein. Vraiment, tu Non, vois, mais j'arrive. mine de rien, on a quand même trouvé un peu de matière Ah, pour en parler, bien effectivement. sûr, après. Mais c'est vrai que ah, peut-être que des gens qui seraient du Dupieuxphile, effectivement, auraient beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus longtemps Je que pense ce que nous avec on a pu en dire ce soir, notamment dans l'analyse, des à voilà, de côté, des trucs comme ça, des dans voilà, Poulvord, il faisait comme ça, machin. Je crois qu'on n'a pas mentionné le avant de répondre à la question, le box-office. Ah oui, comme beaucoup de Dupieux, voilà, c'est pas ce sont pas c'est pas des Y gros a-t-il eu des succès. entrées au Portugal? C'est pas des gros succès cinématographiques et Au Poste a fait 266 500 entrées en France. Voilà. Ce qui est, je crois, à peu près, à peu près dans la norme hein, des films de Dupieux. Mais c'est bizarre que ça fasse pas tant d'entrées parce que pourtant c'est quelqu'un qui est reconnu vu que ses films continuent à se financer. Ouais. Et puis la brochette d'acteurs à chaque fois. Des acteurs quand même assez bankable. Oui, quand t'as du Poulvord, quand t'as du Chabat, normalement, ouais, ça doit attirer un peu de monde. Mais ensuite, je pense que les budgets de ces films doivent pas être énormes. Avec les financements CNC, trucs comme ça, en fait, il a probablement pas besoin d'un box-office considérable pour pouvoir refaire oui, un. Je pense que ça marche derrière. Au réseau là. Là maintenant, ouais. Ça marche au réseau. Et comme on est quasiment à la limite du moyen et du long, à mon avis, il doit y avoir un truc où, oui, de toute façon, c'est Dupieux, vas-y, il va faire son truc, ça va faire blablabla, et puis c'est bon, ça va le faire marrer, et puis voilà. Tu vois, Yannick, 460 000 entrées. Ouais. Donc, deux fois plus que... Ouais, bah oui, c'est ça. Quasiment deux fois plus, donc voilà. Plus il avance aussi dans le... Plus il avance aussi dans sa filmo, plus il fait d'entrée, quoi. Mais après, il y a des... Enfin, là, c'est pareil, un des derniers en date, c'est Dali. Lui, il a été beaucoup, beaucoup, beaucoup vendu, j'ai l'impression, lui. Enfin, en tout cas, plus que ce que Dupieux a pu faire... Aussi avant. Combien là? Parce que je suis en train de regarder le box office. Ah non, le box office, on est à 465 000 entrées pour Dali. Quoi, tu vois? Ouais, bah voilà, c'est étal. Il fait son petit demi-million maintenant, voilà, tranquillement. Mais s'il a pas un budget pharaonique, et puis je pense que les mecs qui viennent, ils prennent pas hyper cher. Ah, là, Dali quand même. Hein. On est quasiment à 7 millions. Ah ouais. Bah oui, on est quasiment à 7 millions. Mais après, tu vois, je pense que c'est surtout un truc de réseau. Que tu regardes la musique de Dali, c'est Thomas Bangalter, donc ex Daft Punk. Oui. Ok. Et puis à la production, c'est toujours Mathieu et Thomas Vereg. Je sais pas si ça se prononce comme ça, c'est belge, hein, sûrement, mais c'était déjà eux sur Au Poste. Et je pense qu'ils ont dû faire d'autres films ensemble. Donc à mon avis, ça doit être un truc de réseau, mais j'arrive pas trop à comprendre parce que c'est pas si rentable que ça au final. 7 465 000, c'est pas fou, c'est quoi. Pas dingue, c'est dingue quoi. Ouais, enfin, bon. Ouais. Bien, maintenant je te propose de répondre. Répondre à la question épineuse. Et nous répondons à chaque fois. Est-ce que toi tu as trouvé ça drôle vraiment? Eh bien, vraiment, non, j'ai pas trouvé ça drôle. Il y a un ou deux moments de bravoure qui sont sympas, mais sur l'entièreté du film, non, c'est pas, comme je le disais, hein, c'est pas ma came, c'est pas mon truc. Je pense qu'il faut être adepte de l'univers, faut rentrer vraiment dans l'univers, et moi ça m'a pas transporté, ça m'a pas fait rire, quoi. Et toi? Eh ben moi, figure-toi que c'est la même chose. Pareil. J'ai pas et pourtant j'ai un humour qui est assez absurde. J'adore quand des situations peuvent être absurdes ou quand t'as des running gags, des choses comme ça. Mais là, enfin tu vois, c'était un tout et c'était trop entre le trou puis l'autre qui dit j'ai voulu me suicider mais en fait j'ai regardé la télé, ça allait mieux. L'autre qui raconte son histoire, tu vois la vieille, le vieux qui a une perruque de vieille ou je sais pourquoi, sa voisine, enfin je sais pas si c'était j'ai eu l'impression que c'était un homme en tout cas qui des fois t'as l'impression change de perruque à chaque fois, tu fais ok, c'est bizarre, mais là non, c'était trop. Et je suis vraiment pas rentré dedans, là où, au contraire, quand j'ai vu Yannick, je suis rentré plus volontiers dedans. Je pense qu'il y a plusieurs genres d'absurdes, et que cet absurde-là, c'est de l'absurde jusqu'au bout. jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ça va être absurde et il n'y aura rien en fait pour relier le tout là où, Ouais. là où certaines fois la compréhension a besoin quand même d'un minimum de repères. Là, on Ouais, dirait qu'il a d'être fait un peu guidé, un. quoi. Bah, c'est Ouais. ça, là, on dirait qu'il a fait un film qui. Ça commence par un mec en slip, ça termine par Grégoire Ludic qui retourne en prison après s'être rendu compte qu'en fait c'était une pièce de théâtre, mais en Ouais. fait, Benoît Poulvorde, il est vraiment commissaire, il n'est pas vraiment acteur et machin, alors que 5 minutes avant, il lui dit, on s'en fout, c'est un triomphe, venez, venez. Et du coup, j'ai dit quoi? Donc, en fait, pendant 1 heure, juste le gars a raconté ses 7 putains de tours avec des détails et quelques digressions, hein, forcément. Et on en arrive là où, bah, au final, l'autre, ça lui a pas suffi, alors que pourtant, il était là au dernier truc, donc il a bien vu que c'était pas Ludig l'assassin et que l'autre bah, avait juste explosé. Et du coup, bah, tu fais, bah, oui, mais en fait, Marc Fraise n'est pas mort, donc pourquoi vous le laissez pas tranquille, laissez-le rentrer chez lui, il vous a dit, il a rien Ben fait. oui. Il est Et innocent. là, ton collègue à la fin, c'est limite un twist qui vient, qui dit, non, non, bah, le mec a explosé. Donc non, j'ai pas accroché, j'ai pas trouvé ça. Bon, on se rattrapera la prochaine fois, c'est Ah, pas j'espère qu'on se rattrapera la prochaine fois. grave. Je déteste quand tu rigoles comme ça, puisque pour une fois, nous allons pouvoir vous annoncer le prochain film que Oui. nous allons traiter. Que Oui, me proposes-tu? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Je crois que tu n'as pas le droit de dire non. Ah. C'est ça qui est drôle, c'est ça qui est intéressant. Mais Oui. ça veut dire que si tu y penses aussi de bonne heure, à la prochaine enregistrement, tu pourras préparer aussi à Bien l'avance le sûr. film et je n'aurai pas le droit de dire non. T'inquiète pas, on va y arriver, Philippe Ouais. Lachaud. Je te donne le synopsis. Bientôt Ah. mariés, Alice et François réunissent deux familles, leurs deux familles. Pour l'occasion, ils offrent un cadeau des plus originaux, des tests ADN, pour Non, que non, chacun non, puisse non, découvrir les origines de non, ses non, ancêtres. oh non, La surprise vire oh au non. vinaigre quand les deux grandes familles découvrent les résultats inattendus. Ah bah là, la Je te surprise vire au propose vinaigre, cocorico, putain. Cocorico parce que il nous manquait le plus grand acteur de Oui. comédie française de Non, tous les temps. pas le plus grand, le plus prolifique. Nous C'est n'avions différent. pas encore traité avec Christian Clavier et il fallait absolument Ah, qu'on j'aurais bien rattrape ça. fait, j'aurais plus fait à bras ouverts, comme ça on aurait parlé du pointeur Harry Habitant, c'est dommage. Eh ben écoute, propose à bras ouverts la fois Non, d'après, et bah non, sois ça va, libre. non, vraiment. Non mais tu te rends compte que tu viens de me tendre une autre perche pour ma proposition d'après quand même, hein. C'est incroyable. On va pas rentrer dans le clavier cinématique universe direct là comme ça. Faut se Est-ce mouiller la nuque un petit peu là. Je sais pas, sixième émission la prochaine fois, il sera temps d'y arriver quand même. Hein. Ouais, ok. Ouais, quand même. Ouais. Christian Clavier, Marianne Denicourt, Chloé Coulot, Didier Bourdon, Sylvie Testud. Ouais, c'est prometteur, moi je dis. Julien Pestel, je crois. Oui, Julien Pestel, Ah, Patrick Préjean. Non, non, franchement. ah oui, Patrick Préjean aussi. Écoute, ça dure 90 minutes. Ta gueule. Tu vois, c'est à peine plus long qu'un Dupieux. Franchement, franchement. J'ai beaucoup d'espoir. Même toi, tu y Beaucoup crois d'espoir sur pas. ce film. Bon, eh bien, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, la prochaine fois, nous traiterons Cocorico, un film avec Christian Clavier. Nous rentrons donc officiellement dans le game du Christian Clavier Cinematic Universe. Oui. Il y aura, je pense, un avant Il y en et a un trop. après Cocorico. Donc, Et vraiment. t'imagines si là, il y en a un de nous deux qui l'aime et l'autre qui l'aime pas. Ah là là, ça va être incroyable ça. Donc vraiment, vraiment, je pense que là, soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous Oui. pour ce nouvel épisode. Et maintenant, des petites actus de ton côté? Eh bien, écoute, attends, si je me reprojette, parce qu'on enregistre quand même très très tôt à l'avance, Oui, oui, celui-là, oui. il va quand même 15 sortir août? le 15 août. Eh oui. Donc on aura fait quelques émissions Baby Graveur, hein, voilà, on aura traité de 1984 début juillet et on vient de voter pour le Pour film les que l'on va législatives. pour le oui pour les législatives aussi et on vient de voter pour ce qu'on allait faire donc et qui sortira début août et Et qui est Et sorti qui du coup. s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, Quelques messieurs trop tranquilles, un film, une comédie de Jean-Marie Poiret des années 70 avec Paul Prébois, Michel Galabru, Jean Lefebvre. Ça sent la galéjade. Oh la vache. La galéjade par ici. Ouais. Oh ma bête. Ça va être. Ça risque d'être gratiné. Oh oui. Oh la vache, effectivement. Moi, de mon côté, petites vacances, et là, en train de commencer à enregistrer quelques trucs pour, j'espère, une sortie au mois de septembre, sur un rythme mensuel, donc un podcast quiz, où j'ai déjà enregistré 2 épisodes, et le troisième que je devrais avoir enregistré le jour où cet épisode sortira, et peut-être même le 4e. Impeccable. Voilà. Tu veux parler aussi de ton initiative podcast, peut-être ? Après parler de l'initiative podcast, oui, on peut. Donc, c'est intéressant, voilà, quand même. Parce que... C'est avec les gars de Culture IMS, on s'est dit que pour continuer à se développer un petit peu, et parce qu'on avait aussi envie de développer un petit peu le média podcast, puisque ça se développe en France, mais surtout à Paris, hein, j'ai l'impression. On s'est dit, pourquoi pas le développer en Indre-et-Loire, hein, puisque après un appel sur Twitter... Il y a des gens qui habitent là, quand même. On s'est dit, mais en fait, il y a quasiment personne qui fait du podcast, ou alors pas qu'on sache vraiment des trucs. On a juste rencontré Giga Music. Et puis je crois que c'est tout, hein. Après il doit y avoir 2-3 autres podcasts, et en fait l'idée c'est d'amener les gens en Indre-et-Loire, en tout cas dans un premier temps, après si les gens viennent d'ailleurs c'est pas grave, à essayer de produire du contenu qui leur ressemble, donc on dit pas qu'on veut faire un contenu chiadé ou machin, non, c'est si ça ressemble aux gens, si eux se sentent bien et à l'aise avec ce qu'ils font, c'est le principal, et l'idée c'est comme une association. Vous adhérez à l'association avec le montant de la première cotisation annuelle, vous recevez un micro USB, donc ça vous permet d'enregistrer en présentiel, en distanciel, là pour avec une bonne qualité sonore, quoi. Avec une qualité sonore, une bonne qualité sonore qui n'est pas le micro du PC, quoi. Oui, voilà. Un micro avec les trucs du téléphone, tout ça. Et là même, tu vois, on a même trouvé pour le prix de la cotisation 2 micro-cravates, puisque là, la nouvelle adhérente, c'est une diététicienne qui parle d'histoire de poids, etc., avec ses patients, et en fait, elle avait besoin de 2 micros. J'ai dit, on va tenter le truc micro-cravate, et ça a l'air de bien bien fonctionner. D'accord, donc, c'est cool. Donc c'est plutôt cool, et avec ça, avec aussi la cotisation, ça vous donne le droit à avoir du d'enregistrer en présentiel avec votre groupe si vous faites partie d'un groupe, même si vous êtes tout seul, on peut vous prêter le matériel, on peut faire le montage et on peut faire de l'initiation au montage aussi si besoin, et en fait une fois que c'est fait, vous avez juste à nous envoyer le fichier, vous nous dites je veux que ça sorte tel moment, et nous on charge de la mise en ligne sur toutes les plateformes. Voilà, au final c'est juste un flux à créer, une fois que le flux est créé sur toutes les applis, ça se met à jour directement sur PodCloud, et c'est bon. Donc voilà. C'est bien. Oui. C'est cool. Bonne initiative. Et oui, que même. Et l'idée, à terme, c'est aussi d'essayer de se faire une petite prog pour voir, éventuellement, faire un festival de podcast en Indre-et-Loire. PodTour. Ouais. Ouais. Ouais, donc, gentiment. J'ai déjà des contacts avec les mairies... Et je pense que ça peut se faire assez facilement. Bon, écoute, tant mieux. Il faut que je trouve les partenaires, tout ça. Et une fois que je les ai trouvés, je pense que je peux envoyer. Et vraiment, là, on peut avoir un truc du feu de Dieu. Cool, super. Et bien sûr, il y aura, et vous trouvez ça drôle vraiment. Il y aura qu'est-ce qui devient. Il y aura tout, on fera tout. On fera un épisode avec Gravelax. Ce sera la journée du Gravelax. Il y aura l'entre de la peur. Sanchez, ce sera bien. Ouais. Oui, donc que Storm, quoi, le plus intéressant des deux, quoi. Bien sûr. Évidemment. Donc voilà. Ok, bon cool. Oui, bien, il est temps de se quitter. Oui. On se donne rendez-vous le mois prochain pour l'épisode du 15 septembre, donc l'épisode un petit peu de rentrée. Bien, bien bien se chauffer, vous avez compris qu'on parlerait de Cocorico. Ce sera à toi de me faire souffrir pour le prochain. Allez. Oui, sauf que derrière, je suis censé regarder le film aussi, donc est-ce que j'ai envie de souffrir moi aussi? Je ne sais pas. À voir. Parce que là, ça fait quand même quasiment bientôt 10 épisodes. On est quand même sur un seul bon film. Eh oui, et on le savait quand on l'a choisi. Oui, c'est on ça. Est d'accord. C'est surtout ça. Donc voilà. Bon, eh bien, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que les auditeurs écoutent. Hein. C'est vrai. Donc voilà, on vous souhaite aussi une bonne journée, une bonne soirée. On vous dit à bientôt. Salut. Salut à tous. Hey, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Madame, je ne m'écrirai rien sur ce film, c'est une merde! Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça?